Sauvage, voilà le style, ça sent du Moyen-Âge, raccroche pas, je débarque de nulle part, je fais mal comme un joint de Pâques à 5h du mat, monte le son, c'est gringo, trop lental, je suis né que pour faire du sale, sacré, c'est la guerre, accompagner les animaux, 2012, dans les alentours de Paname, dans les oreilles, dans les gaufres, ça bouge la tête comme des gaufres, on fait bouger les boules comme Beyoncé, pas besoin d'être foncé pour reconnaître que les sons est vrai. Rien pour être condé, la voix du crassé a nettoyé sa cause, le clasher. Cette pute avale mon muspère, c'est le son de la guerre. Sarkozy avale mon muspère, c'est la guerre. Bref, bref, c'est la guerre. 9-5, c'est la guerre, c'est la guerre. Bref. Fini de rêver, regarde la réalité, on est né pour avancer, jamais reculer. Si je n'étais plus là, souviendrais-tu de mon sourire? Quels seraient les mots que tu voudrais me dire? Combien de larmes lâcheraient tes soupirs? C'est la guérilla, guérilla, la réalité du chemin que l'on doit tracer. Des images, des moments que l'on a passés reviennent. Commencez pas ce moment, j'entends la première frappe. Si je l'apprécie ma gueule, regarde vitreux sous les verres noirs. On sent pas l'aigle et on dit qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. On apprend à vivre parce que la réalité nous a sale boxé. On a peur de personne, on ne veut pas d'ennemis. Mais si tu l'es, habitue-toi à me voir partout, il fait insomnie. On fait ce que bon nous semble et je crois que rien ne sent bon. La vie est une merde et je me pose pas de questions. Réponse légale à tous ceux qui parlent derrière. On met des barres, faire l'occasion des revers. Continue pas, cherche pas, y'a pas de suite. Règlement de compte, des max discrets, pas de délit de fuite.